On a appris une mauvaise nouvelle hier, encore une fois, pour une deuxième année consécutive, les régates de Saint-Félicien n'auront pas lieu. C'est pratiquement 3 ans parce que les régates en 2019, si on se rappelle bien, y avaient vanté et on avait annulé, y avait eu une compétition. Quoi qu'il en soit, on en parle avec Régent Côté, le président des régates. Salut Régent. Bonjour, Danny. Régent, écoute, je m'en doutais bien parce que j'avais vu une dépêche la semaine dernière donc qui disait que les régates de Valleyfield avaient été annulées. Et je m'étais dit, oh mon Dieu, ça ne regarde pas bien pour Saint-Félicien. Donc, ça s'est confirmé hier. Effectivement, c'est sûr que ça, cette année, au moins, en tout cas, la nouvelle est quand même assez tôt. Et puis, si on regarde dans l'ensemble, oui, Valleyfield est plus au sud du Québec, si on veut. Ouais. Plus au nord du Québec, pardon, quand ça a été remis à l'an prochain. Et puis, il y a un demi-programme pour essayer de motiver les coureurs, pour perdre tout l'ensemble des coureurs du côté américain, du côté canadien. Donc, il y a comme un demi-parcours, si on veut, 4 étapes sur 8, pour que les coureurs puissent activer le bolide un petit peu, puis se remettre un petit peu dans la game. Mais c'est un projet aussi parce que rendu à cette date-là, où ils vont en mettre vraiment avec les santé du Canada, santé publique, etc., aux États-Unis, comment ça va aller aussi. Donc, pour eux autres, c'est un projet de faire ces compétitions-là, les 4 qui restent, là, Beauharnois, puis Détroit, ces endroits-là. Et puis, on parle d'aller jusqu'en période de septembre-octobre, donc le plus tard possible pour que tout soit correct côté des vaccinations et autres. Là, que la pandémie aille mieux de notre côté. OK. C'était pour Saint-Félicien. Tu viens de me voler ma question. Je t'aurais demandé, ça aurait été possible de tenir ça plus tard en septembre? Parce que les régates ont déjà eu lieu au mois d'août, mais là, tu viens de répondre carrément à ma question. Oui, c'est que les autres le font du côté de Détroit. Ils espèrent plus de ce côté-là. On sait que côté américain, il vaccine plus d'1 million de personnes par jour. Ouais. Donc, ça va bon train du côté américain. Et puis, les lignes sont proches aussi de faire voyager les gens pour les compétitions qui vont avoir lieu. C'est un petit peu comme proche des lignes américaines, Beauharnois, puis ces endroits-là, ben ils traversent la frontière, puis ils n'ont pas à traverser tout le Canada comme pour revenir ici à Saint-Félicien. OK. Vous allez-tu vous remettre de ça? Parce que ça fait 3 ans là, que les régates, ouais, en 2019, là, on va le dire, là, il y en a eu puis il n'y en a pas eu. Là. Fait que, ouais, ben c'est ça. Il y en a eu parce que tout était là. Il est arrivé un samedi, il est arrivé un vent de fou. Je pense qu'il y avait eu une ou deux courses, si je ne m'abuse. Oui, on fait ça. Vous allez-tu vous remettre de ça? Ben, le moral est encore bon au niveau des directeurs. On est à l'heure où on se parle pour la nouvelle qu'on vient d'avoir. On ne s'est pas rencontré à nouveau. Mais que c'est un peu les mêmes directeurs depuis le début des 15 ans que l'événement se tient à Saint-Félicien. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on a un peu un esprit d'équipe solide, mais c'est quand même des coûts difficiles à encaisser. Et puis, espérant que les troubles vont être encore là, se relever, puis que les partenaires financiers, les commerces et autres vont être encore ça, c'est un présents problème, pour notre ça, campagne que... de financement. Ouais, oui, c'est ça le problème. C'est que ça, on n'en parle pas, on n'en parle pas, mais combien d'organismes, combien de festivités sportives, combien de clubs de soccer c'est très ambigu l'avenir d'eux autres aussi, là, parce que c'était financé par des commerçants. Là. Si les commerçants ne sont pas là, ça va être dur. Là. Vous autres, la plupart de vos commerçants sont encore là, par exemple? Oui, mais c'est ce qu'on dit. En tout cas, comme là, cette année, bon, ça fait mal, il annule l'événement. Mais est-ce que, de façon logique, ça aurait été tenable d'aller chercher une campagne de financement de 175 000, 200 000 comme on le fait habituellement? Ça aurait probablement pas été possible. Puis on peut pas tenir l'événement en bas de ce montant-là de la campagne de financement. C'est le minimum, ça, là, que vous pouvez donner? Oui. C'est un coût réparti pour les deux corporations, les vélos de montagne et les régates. On sait que les deux sont regroupés sur la même campagne de financement. Mais on parle de les régates, c'est un budget de plus de 125 000. Fait qu'il faut avoir cet argent-là à quelque part, là, c'est soit par la campagne de financement, un petit peu par les activités, justement, quand ça a lieu, comme tu dis, en 2019. Là, à ce moment-là, on récupère un peu de retombées, des ventes, des barbes, ces choses-là. Mais c'est un travail d'argent serré. Fait qu'on peut pas dire que si les partenaires financiers reviennent à 50 %, on ne sera pas capable de tenir l'événement. Là, pour... Est-ce que les coffres sont quand même intéressants? Je sais qu'en 2019, tu avais dit, je me rappelle d'une entrevue, je ne sais pas si tu me l'avais dit aussi, mais tu l'avais dit à l'Étoile du Lac, ça c'est certain, là, que financièrement, les reines sont assez solides. 2020, il n'y a pas eu de dépenses. Je me trompe, il n'y a pas eu de dépenses. 2021, il n'y en aura pas. Donc, j'imagine que les coffres, pour le moment, sont encore assez bien garnis du côté des régates. Oui, ben c'était pas un gros coussin, mais oui, on avait un petit coussin d'opération qui fait qu'en tenant les dépenses le plus près du zéro possible quand il n'y a pas d'événement comme cette année et l'an dernier, ben c'est une formule gagnante pour se maintenir en place, espérer qu'on ait encore un petit coussin de départ pour relancer au moins une année, puis voir si on est capable de se refaire ou... Actuellement, est-ce que 2020, il n'y a pas eu d'événement 2021, mais vous faites partie d'une association, ça doit coûter un certain montant, vous faites partie de cette association-là? Il y a toujours un petit peu les communications, d'avoir à faire les rapports avec les gouvernements provinciaux, fédéral, les impôts, ces choses-là. Donc, il y a toujours un petit peu de choses à faire, puis de suivre les choses de près. Les dépenses auprès de la HRL ont lieu lorsqu'il y a des courses, et on paye pour le programme. Maintenant, c'est sûr que les dépenses sont au minimum, mais les revenus sont à zéro. Ah, c'est sûr. Et les dépenses, c'est quoi? Une dizaine de mille à peu près, évaluer ça, sans être indiscret, là? Oui, je te dirais que ça peut, on parlerait d'entre 6 et 10, là, possiblement, ouais, okay. une année complètement neutre. Ouais. Est-ce que vous allez quand même préparer ça pour 2022 assez de bonne heure pour au moins, là, vous savez déjà d'avance, c'est sûr que les gouvernements ne savent même pas eux autres qui s'en vont, fait que c'est encore dur pour les organisations. Ouais. Hein? Ben c'est ça, ça nous donne comme un an et demi si on veut, là on est en février, fait que là nous autres on parle de notre organisation pour juin. Juin de 2022, fait que d'ici là, là, on va savoir, mettons, début janvier 2022, comment ça va et puis où on en est. Mais c'est à suivre. Régent Côté, gros merci. C'est pas mal triste. J'ai hâte que ça se termine. J'ai hâte qu'à un moment donné, qu'on pose un autre appel. Là. Un an après, on sait c'est quoi le COVID, puis il me semble qu'on devrait savoir à quoi ça touche. Régent Côté, gros merci, puis bon courage. Parfait. Le président des régates de Saint-Félicien, Régent Côté.